infinie. Merci à vous. À la semaine prochaine. Au revoir. Tout pile 23h. Les toutes dernières informations d'RTL Grand Soir avec vous, Céline Landreau. Tout d'abord, terminus pour la grève unitaire à la SNCF. L'UNSA sort du mouvement. Le syndicat fera bien grève jusqu'au 28 juin, comme le prévoyait le calendrier initial de l'intersyndicale, mais n'ira pas plus loin et refuse donc la proposition de la CGT et de Sudrail de poursuivre le mouvement pendant les vacances scolaires. La CFDT, de son côté, doit se prononcer dans les jours à venir d'ici le 28 juin. Prévision mitigée de l'INSEE, le chômage devrait baisser, mais la croissance aussi. Et l'économie marque le pas, la croissance devrait atteindre 15,7% cette année contre 2,3% l'an dernier. Déception donc, mais malgré tout, le chômage, lui, devrait baisser ces prochains mois pour s'établir à 8,8% de la population active à la fin de l'année. Salah Abdeslam est hospitalisé à Corbeil-Essonnes. Le dernier djihadiste vivant des commandos du 13 novembre à Paris a été admis en milieu d'après-midi pour une crise d'appendicite à un patient sous haute surveillance. Le GIGN est présent et cette hospitalisation coïncide avec la libération aujourd'hui sous contrôle judiciaire d'Ali Oulkadi, soupçonné d'avoir aidé Salah Abdeslam lors de sa cavale au lendemain des attentats dans la capitale. Les associations de familles homoparentales interpellent le gouvernement et lui demandent de mettre fin à la discrimination dont elles sont victimes lorsqu'elles souhaitent adopter. Une réaction aux propos tenus à la radio chez nos confrères de France Bleu par la responsable de l'adoption en Seine-Maritime. Elle estimait que les couples homosexuels devaient adopter les enfants dont personne ne veut. La Coupe du monde de football et la Russie entrevoient déjà les huitièmes de finale. Le pays hôte a balayé l'Égypte ce soir 3-1, deuxième victoire de rang pour les Russes qui ont donc déjà un pied en huitième face au pharaon d'un Mohamed Salah qui n'a pu que réduire le score sur pénalty. Un peu plus tôt, le Sénégal a offert sa première victoire au continent africain en battant la Pologne 2-1. Victoire surprise également du Japon 2-1 contre la Colombie. La météo, rebonsoir Louis Baudin. Rebonsoir. Demain, le soleil s'imposera plus rapidement qu'aujourd'hui au nord de la Loire. C'est promis. C'est vrai que ça a été un peu lent parfois, notamment de l'Île-de-France aux côtes de la Manche aujourd'hui. Demain, certes, il y aura quelques nuages au lever du jour, hein, encore une fois, notamment de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais. Ailleurs, déjà beaucoup de soleil avec quelques rares brouillards. Et en cours d'après-midi, le soleil s'imposera donc plus facilement, largement qu'aujourd'hui au nord de la Loire. Il restera quelques nuages près de la Manche. Mais là aussi, on verra le soleil très facilement. Petit risque d'averse en montagne, sur les Alpes, peut-être également sur les Pyrénées en toute fin d'après-midi. Et puis la chaleur va s'installer. Écoutez bien les températures prévues l'après-midi. 20 à 22 degrés près de la Manche, mais 27 à 33 degrés dans toutes les autres régions. Merci beaucoup, Louis Baudin. Mesdemoiselles, on se retrouve demain, 22h, 23h pour RTL Grand Soir. À demain. Avec plaisir. Et il est grand temps de retrouver George Lang. Ah, j'adore quand vous prenez cette voix sensuelle pour m'annoncer. Hein? C'est notre voix, ouais. C'est notre voix habituelle. Ah, on ne voit pas ce que vous voulez dire. J'ai une jeune fille dans le studio qui me fait toujours des chouettes jingles. Vous la connaissez, non? Allez-y. Non, mais attendez. George Lang sur RTL. Ah oui, la fameuse. Oui, vous pouvez rivaliser, là. Allez-y, je vous écoute. Elle dit quoi, déjà? Ah oui, attendez, on vous envoie Christophe Paco. La collection George Lang. Merci, Agnès. Signé Agnès. Attention, maintenant, Céline Landreau. George Lang. D'accord, mais attendez, je peux pas aller au bout de mon jingle que j'ai déjà des rires autour de moi. Mais c'est comme ça qu'il faut faire. Ça va, George? Il avait demandé une version sensuelle, Christophe. Mais oui, c'est vrai. WRTL, George Lang. Je vous embrasse tous. Des bisous, George. Je vous dis à demain. À demain. Passez une bonne soirée. Bye bye. Bye. RTL. Première radio de France. Et si on parlait Renault Occasion? Chérie, montre à Martin nos photos de vacances. Alors ça, c'est notre Clio d'occasion, devant la plage de Biarritz. Et là, notre Clio d'occasion dans un village typique plus au sud. Ça a l'air beau ce village, enfin derrière votre Clio. Et là, c'était la soirée tapas derrière notre Clio d'occasion. Ah oui, on peut pas la rater là. Vous allez être fiers de votre occasion. Avec Renault Occasion, bénéficiez de 3 ans d'entretien et de garantie pour 1 euro. Depuis le 1er janvier 2018, bénéficiez aussi de la prime à la conversion gouvernementale chez Renault Occasion. Conditions sur Renault.fr. Les Nocturnes ont 45 ans. 1973, 2018, c'est aussi 45 ans de powerplay. George Lang. En 45 ans, plus de 15 000 powerplay ont été diffusés. J'en ai sélectionné 73 parmi les meilleurs. 73 titres, un livret de 20 pages, les notes de George Lang, la programmation détaillée en haute définition. Revivez l'ambiance de l'émission mythique des Nocturnes dans un luxueux coffret 4 CD proposé par la voix légendaire des nuits sur RTL. Vous pensez que mini rime toujours avec petit? Dans le SUV Mini Countryman, on peut partir avec 4 amis, le chien, les valises, les vélos, les surf, les raquettes de tennis, le pique-nique.

Town. un groupe de Nashville. La chanson a été écrite par Taylor Swift et c'est très crossover. Ce qui veut dire qu'on peut écouter ça dans n'importe quel format de radio. Vous écoutez La Collection sur RTL. RTL, toute la musique qui vous fait vibrer. Knock, knock, knocking on heaven's door. Don't let me down. Toute la musique qui vous fait rêver. George Lang. La Collection George Lang. Écoutez, écoutez, écoutez. Et voici le dernier single de John Mayer. Je crois que vous aimez ça. C'est simple, c'est pas compliqué. C'est efficace à cette heure-ci. 23h15, New Light, John Mayer. I'm the boy in your other phone. Lighting up inside your drawer at home, all alone. Pushing 40 in the friend zone. We talk and then you walk away every day. Oh, you don't think twice about me. And maybe you're right to doubt me, but if you give me just one night, you're gonna see me in a new light. Yeah, if you give me just one night to meet you underneath the moon. De l'autre. Vous aimez cette émission? Vous pourrez la podcaster dès qu'elle sera terminée. Et si on s'écoutait Rumeur maintenant? Ça fait longtemps qu'on ne l'a plus écouté, Rumeur. Jeune femme anglo-pakistanaise avec un talent fou et une voix exceptionnelle. Jugez vous-même. Love is the answer. I've been from shore to shore. sur RTL Saturday. Tous les soirs de la semaine de 23h à midnight. 1, 2, 3, 4. Mais c'est JJ Carr, Crazy Mama. George Lang sur RTL. My Club, Joe Cocker, sur l'album Organique. Album produit par Don Was, producteur américain célèbre, qui s'était aussi occupé de Johnny Hallyday à un moment donné. Et ça, c'est une nouveauté. Vous l'avez peut-être déjà entendu, ce titre, dans les nocturnes. C'est Love Guarantee. Un groupe qui s'appelle Young Gun Silver Fox et qui fait revivre le son des années 70 aux États-Unis. Top of the line, finest quality. One of a kind. Don't fool. Just the time to leave it, there's no keeping close. Forgetting. Et avant, Young Gun, Silver Fox. Love Guarantee. Écoutez bien ce titre. Vous l'avez peut-être connu lorsqu'il était chanté par Ray Charles. Ça s'appelle I Can't Stop Loving You. Mais là, c'est Diana Shore qui chante. Avec B.B. King. Those happy hours. So blue. Dreams of yesterday. To say. Useless to say. Dashur, B.B. King, I Can't Stop Loving You. RTL. Entrez dans le son de la nuit. Dans le son de la nuit. La collection George Lang sur RTL. And gaze at me. Your sighs are so like mine. Your eyes mustn't glow like mine. People will say we're in love. Don't start collecting things. Give me my rose and my glove. Sweetheart, they're suspecting things. People will say we're in love. Don't praise my charms too much. Don't look with me. Don't stand in the rain with me. People will say we're in love. Don't take my arm too much. Don't keep your hand in mine. Fitzgerald et Gregory Porter. Peut-être avez-vous reconnu les voix, en tout cas ça s'appelait People Will Say We're In Love. La collection sur RTL. Dans quelques secondes, il sera minuit moins le quart. Et là tout de suite, Michael Bublé. Il a emprunté aux Beach Boys une superbe chanson qui s'appelle God Only Knows. J'adore cette version. À écouter de préférence la nuit sur RTL. I may not always love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, life would still go on, believe me. much or nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you. God only knows what I'd be without you. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, the life would still go on, believe me. The world could show nothing to me. God only knows what I'd be without you. God only knows what I'd be without you. God only knows what I'd be without you. De Michael Bublé de ce titre des Beach Boys que vous avez reconnu, God Only Knows. Et si on écoutait Tom Odell, son nouveau single s'appelle If You Wanna Love Somebody. J'adore. On l'a déjà écouté dans les nocturnes la nuit dernière. Il est déjà dans la collection ce soir. You should look at your reflection if you wanna see your life. Heading in the right direction if you wanna pick a side. Well, give me more perfection if you wanna see me cry. Well, if you wanna love somebody. Well, if you wanna love somebody. you wanna just pretend. You gotta make your kiss a little colder. If it's ever gonna end, lay your head upon my shoulder. If you just need a friend, or if you wanna love somebody, or if you wanna love somebody, or if you wanna love somebody, I'm your man, I'm your man. Oh, lie, lie, oh, lie, I'll be waiting, I'll be waiting till you decide you wanna be in love, you wanna be back in love, you wanna be back in love, you wanna be back in love. You gotta move on now, you gotta move on now, you gotta move on now, you gotta move on now. Tom Odell, je trouve ça très bien produit, très agréable à écouter. If you wanna love somebody, chanteur anglais, jeune, 27 ans, mais quel talent, quelle voix. George Lang sur RTL. Et maintenant, Bob Dylan, à 23h53, dans la collection sur RTL et sur RTL.fr. Dylan qui s'est lancé, maintenant, dans le commerce des vins et spiritueux aux États-Unis. Once upon a time, it dressed so fine. Comme quoi, through the bumps of dime, la musique amène à tout. Then you, bientôt, on boira du bourbon, Bob Dylan. People call, say, beware, doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. Scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home? Like a complete unknown, like a lonely, but you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with the mystery tramp, but now you realize he's not selling it. As you stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal?

La fin de l'unité avec l'été à la SNCF. L'UNSA arrêtera de faire grève le 28 juin prochain à la fin donc du calendrier initial établi par l'intersyndicale. Les syndicats CGT et Sudrail veulent quant à eux poursuivre le mouvement pendant les vacances scolaires. La CFDT réserve sa réponse mais se prononcera d'ici le 28 juin. La croissance marque le pas. Elle devrait atteindre 1,7% en 2018 après avoir atteint 2,3% l'an passé selon l'INSEE. Mais le chômage, lui, devrait tout de même baisser ces prochains mois pour s'établir à 8,8% de la population active à la fin de l'année. Le détenu le plus surveillé de France à l'hôpital, Salah Abdeslam, le seul djihadiste des commandos du 13 novembre encore en vie, a été admis à Corbeil-Essonne pour une crise d'appendicite. L'établissement est donc sous haute surveillance, le GIGN est sur place. Les frères Bogdanov, eux, en garde à vue à Paris, soupçonnés d'escroquerie sur personne vulnérable à un entrepreneur de spectacle parisien. Le Canada se dit interloqué. Le Mexique lui condamne la cruelle et inhumaine séparation des familles de migrants clandestins aux États-Unis. Conséquence de la tolérance zéro prônée par Donald Trump, la diffusion de vidéos d'enfants de 4 ans parfois en pleurs et dont des cages ont ému l'Amérique et provoquent une vive polémique dans le pays. Plus de 2000 enfants et jeunes migrants ont été séparés de leurs parents accusés d'avoir franchi la frontière illégalement ces dernières semaines. L'immigration pour laquelle Emmanuel Macron demande une réponse européenne. Le président français et Angela Merkel ont d'ailleurs annoncé qu'ils travaillaient un accord entre plusieurs pays de l'espace Schengen pour refouler tout demandeur d'asile vers l'État où il a été enregistré en premier. Le football et la Coupe du Monde avec la Russie qui a déjà un pied en huitième de finale. Le pays hôte a corrigé l'Égypte 3-1, deuxième victoire de rang pour les Russes. A noter aussi le succès du Sénégal 2-1 contre la Pologne. Le Sénégal qui offre donc la première victoire du continent africain dans la compétition. Victoire également du Japon, 2-1 sur la Colombie. À suivre aujourd'hui Portugal-Maroc à 14h, Uruguay-Arabie Saoudite à 17h et ce soir à 20h, Iran-Espagne. Le temps, plus de soleil et plus tôt aujourd'hui au nord de la Loire, même si quelques nuages pourraient résister au lever du jour de la Bretagne au Pas-de-Calais. Il pourrait d'ailleurs résister plus longtemps près de la Manche, mais d'ailleurs du soleil partout. Les températures l'après-midi, 20 à 22 degrés près de la Manche justement, 27 à 33 dans toutes les autres régions. Les courses à Reims, Dominique Cordier vous propose de jouer le 3, le 7, l'As, le 5, le 14, le 4, le 13 et le 9. Sa dernière minute, c'est l'As Bachar. RTL, 24 heures d'info. Les Nocturnes ont 45 ans. 1973, 2018, c'est aussi 45 ans de powerplay. En 45 ans, plus de 15 000 powerplay ont été diffusés. J'en ai sélectionné 73 parmi les meilleurs. 73 titres, un livret de 20 pages, les notes de George Lang, la programmation détaillée en haute définition. Revivez l'ambiance de l'émission mythique des Nocturnes dans un luxueux coffret 4 CD proposé par la voix légendaire des nuits sur RTL. Évadez-vous en Californie. Parcourez le Tennessee. Promenez-vous dans Manhattan. Écoutez WRTL. George Lang. Toute la musique des États-Unis. The others. The others. Doctor, doctor. Golden Greats. Keep on running. Power plant. Oh, well, oh, well. WQXI. Les Nocturnes. I saw you standing there. You had gold dust in your pocket and you combed barbed wire through your hair. You thought I didn't notice the skin on your teeth had a tear. About. They said you were a wise man, C'était Joël pour démarrer les Nocturnes sur RTL et sur RTL.fr. Soyez les bienvenus. Merci de votre fidélité. En tout cas, jusqu'à 1h du matin, c'est la musique qui nous réunit depuis déjà de nombreuses années. Et si on s'écoutait maintenant un groupe qui s'appelle Venice. Venice comme Venice Beach, la plage de Los Angeles. Et à Venice, il y a un groupe qui s'appelle Venice. Ils n'ont pas été cherchés très loin à leur nom. En tout cas, ce sont quatre frères. Ils ne sont pas tous frères. C'est deux fois deux frères. Donc, ils sont tous cousins, en tout cas. Et ils s'appellent Lennon, mais rien à voir avec John Lennon d'Angleterre. Moi, j'adore ce titre qui est When I Get Over You. On va se le réécouter. Ça fait longtemps qu'il n'est plus passé dans les Nocturnes. Si vous aimez le son californien, vous êtes servi. Hell will freeze, love will grow on trees, and the rivers all will run dry. The truth will be untrue. One and one will not be two.

C'était Genesis avec Entangle. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet album qui est paru il y a bien longtemps. L'album A Trick of the Tail. C'était en 1975. Et à l'époque, eh bien, il y avait des titres comme Dance on a Volcano ou bien Squonk et ça. Entangle a toujours été le titre que j'ai préféré sur cet album. On va partir du côté de la Hollande. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un jour, les Beach Boys, pardon pour ce lapsus, ont été dans cet endroit particulier de l'Europe qu'ils ne connaissaient pas bien pour enregistrer un album qui s'est tout simplement appelé Holland. Ah ben non, c'est pas ça, hein. Ça c'est autre chose. On a déjà entendu dans les nocturnes. Ah, c'est ça. Ce sont les mystères du studio. La console a beaucoup de voix et parfois je me plante, mais je vais rattraper ça tout de suite. Je propose donc une saga qui s'appelle California Saga, des Beach Boys, avec trois mouvements. Le premier s'appelle Big Sur. Le second, Beaks of Eagles. Et le troisième, California. Hills filled with evergreens flowing from the clouds down to meet the sea with the granite cliff as a referee. Crimson sunsets and golden dawns. Mother deer with their newborn fawns under Big Sur sky, and that's where I belong. Big Sur, I've got plans for you. Me and mine are going to add ourselves to your lengthy list of lovers. Built it again on the same tree in the splinters of the thunderbolt. A broken shack, an old man takes his time about dying. And just at the back, wildflower bed that you're lying. In dawn's new light, the man

saga californienne vue par les Beach Boys sur l'album Holland. Il y avait trois mouvements que vous avez peut-être connus. Big Sur, The Beaks of Eagles et à l'instant California. Minuit 30, c'est l'heure du powerplay. Monsieur James Bay nous offre un nouveau disque et nous on est contents parce qu'on aime bien James Bay. Il a coupé ses cheveux, il a enlevé son chapeau, il fréquente des grands aux États-Unis, on l'a entendu l'autre jour avec Buddy Guy. Là, c'est son album Electric Light. Je vous propose un extrait qui s'appelle Us. Power Play. Sometimes I'm beaten. Sometimes I'm broke. 'Cause sometimes this city is nothing but smoke. Is there a secret? Is there a code? Can we make it better? 'Cause I'm losing the hope. Tell me how to be in this world. Tell me how to breathe in and feel no hurt. Tell me how, 'cause I believe in something. I believe in us. After the dust, I still hear the howl, I still feel the rush. Over the rise, above all the noise, through all the world, I still hear your voice. So tell me how to be in this world. Tell me how to breathe in and feel more. Breathe in and feel no hurt. Tell me how, 'cause I believe in something. Above, I'd like to call you my one true. heaven to me. Yeah, my heart's skipping beats like I'm crazy. If the amount of love I wish to give is more than you can stand, I'd lose my marbles, baby. Ce que vous avez entendu, un groupe qui s'appelle Theo Lawrence and the Heart, c'est le titre que vous avez mis là dans vos oreilles, c'était Heaven to Me, c'est tout nouveau et c'est bien qu'on écoute ça la nuit sur RTL. Nouveauté, ancienne chose et puis des titres dans des versions alternatives comme par exemple ce qu'on va écouter maintenant. Je ne sais pas si vous avez écouté la nuit qui nous aura permis de célébrer les 45 ans des Nocturnes, mais au cours de cette soirée-là, Raphaël Mesrahi était l'un des invités de l'émission et on a raconté, puisqu'il était sur scène avec moi et avec Éric Jean-Jean, on a raconté l'histoire de la nuit de la déprime, le jour où à l'Olympia, il m'a fait la surprise, c'était vraiment une surprise, de faire venir un artiste anglais que je n'avais jamais rencontré, mais dont on connaissait par cœur la chanson Silver Wings. Il avait fait ça, Raphaël. C'est un homme d'événement, quelqu'un d'imprévisible et de terriblement attachant. Rafa, si tu m'écoutes, je t'embrasse. Et une fois de plus, on va écouter cette version exceptionnelle enregistrée à l'Olympia. Philippe Gooden-Tate, avec la version live sur cette scène prestigieuse de Silver Wings. Live, Silver Wings, Olympia, Nuit de la Déprime 2. Le guitariste exceptionnel, c'était Jean-Félix Lalanne. Et au violon, il y avait une Française, Mathilde Fébrère. Philippe de Dantette, quelle surprise. Merci encore, Raphaël Mesrahi. Minuit 43, depuis quelques semaines, on vous propose un titre, plusieurs titres d'ailleurs, d'un album qui était enregistré live par Joe Bonamassa pour rendre hommage à ce son. Lui est américain, mais il a toujours adoré, quand il était petit, il écoutait ça, The British Blues Explosion. Écoutez cette chanson qui s'appelle Swarp, qui était un succès pour Cream avec Eric Clapton en 1969. As a mustache. George Lang on W. Amende, un PV à $20, c'est le titre. $20, fine. C'est sur l'album de Jimi Hendrix, qui s'appelle Both Side of the Sky, mais ce n'était pas Jimi Hendrix qui chantait, c'était Stephen Stills. C'est un disque qui est paru il y a quelques semaines déjà, minuit 55, et si on se quittait avec une belle ballade. D'ailleurs, pour avoir discuté avec elle, Bess Hart m'a dit, confié, que c'était le titre qu'elle préférait sur l'album Black Coffee. Ça s'appelle Lullaby of the Leaves. Elle chante, et à ses côtés, il y a un guitariste qu'on a écouté tout à l'heure dans le British Blues Explosion, c'est Joe Bonamassa, bien évidemment. Écoutez ça avec moi maintenant. Rustling of the leaves used to be my lullaby. And days so long ago, when I was attacked so high. And now that I have grown, I found myself alone. Where summer skies can watch me with a million eyes, or sing me to sleep, lullaby of the leaves. Cover me with hair. Song through the trees, you move. That pine melody caressing the shore, familiar to me. I heard it before.